Chapitre 3. Les commandements qui concernent le prochain. Section 1. Le quatrième commandement. Que nous ordonne le quatrième commandement « Honore ton père et ta mère ». Le quatrième commandement « Honore ton père et ta mère » nous ordonne de respecter notre père et notre mère, de leur obéir en tout ce qui n'est pas péché et de les assister dans leurs besoins spirituels et temporels. Que nous défend le quatrième commandement ? Le quatrième commandement nous défend d'offenser nos parents en parole, en acte et de toute autre manière. Sous le nom de père et mère, quelles autres personnes comprennent ce commandement ? Sous le nom de père et de mère, ce commandement comprend encore tous nos supérieurs, tant ecclésiastiques que laïcs, auxquels nous devons donc obéissance et respect. D'où vient aux parents l'autorité de commander à leurs enfants et l'obligation pour les enfants de leur obéir ? L'autorité qu'ont les parents de commander à leurs enfants et l'obligation pour les enfants d'obéir vient de Dieu, qui a constitué et ordonné la famille, de telle sorte que l'homme y trouve les premiers moyens nécessaires à son perfectionnement matériel et spirituel. Les parents ont-ils des devoirs envers leurs enfants ? Les parents ont le devoir d'aimer, de soigner et nourrir leurs enfants, de pourvoir à leur éducation religieuse et civile, de leur donner le bon exemple, de les éloigner des occasions de péché, de les corriger de leurs fautes et de les aider à embrasser l'état auquel ils sont appelés de Dieu. Dieu nous a-t-il donné le modèle de la famille parfaite ? Dieu nous a donné le modèle de la famille parfaite dans la Sainte Famille, où Jésus-Christ vécut soumis à la très sainte Vierge et à saint Joseph jusqu'à 30 ans, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il commençât à exercer la mission que lui avait confiée le Père éternel de prêcher l'Évangile. Si les familles vivaient isolément, séparées l'une de l'autre, pourraient-elles pourvoir à tous leurs besoins matériels et moraux ? Si les familles vivaient isolément, séparées l'une de l'autre, elles ne pourraient pourvoir à leurs besoins, et il est nécessaire qu'elles soient unies en société civile afin de s'aider mutuellement pour leur perfectionnement et leur bonheur commun. Qu'est-ce que la société civile ? La société civile est la réunion de nombreuses familles dépendant de l'autorité d'un chef pour s'aider réciproquement à atteindre leur perfectionnement mutuel et le bonheur temporel. D'où vient à la société civile l'autorité qui la gouverne ? L'autorité qui gouverne la société civile vient de Dieu, qui la veut constituer pour le bien commun. Y a-t-il obligation de respecter l'autorité qui gouverne la société civile et de lui obéir ? Oui, tous ceux qui appartiennent à la société civile ont le devoir de respecter l'autorité et de lui obéir parce que cette autorité vient de Dieu et qu'ainsi le veut le bien commun. Doit-on respecter toutes les lois qui sont imposées par l'autorité civile ? On doit respecter toutes les lois que l'autorité civile impose pourvu qu'elles ne soient pas opposées à la loi de Dieu. C'est le commandement et l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Outre l'obéissance et le respect aux lois imposées par l'autorité, ceux qui font partie de la société civile ont-ils d'autres devoirs ? Ceux qui font partie de la société civile, outre l'obligation du respect et de l'obéissance envers les lois, ont le devoir de vivre dans la concorde et de travailler de toutes leurs forces et de tous leurs moyens à y faire régner pour l'avantage commun la vertu, la paix, l'ordre et la prospérité. Section 2, le cinquième commandement. Que nous défend le cinquième commandement « Tu ne tueras pas » ? Le cinquième commandement « Tu ne tueras pas » défend de donner la mort au prochain, de le battre, de le frapper ou de lui faire quelque autre mal dans son corps, soit par soi-même, soit par les autres. Il défend encore de l'offenser par des paroles injurieuses et de lui vouloir du mal. Dans ce commandement, Dieu défend aussi de se donner la mort, ce qui est le suicide. Pourquoi est-ce un péché grave de tuer son prochain ? Parce que celui qui tue usurpe témérairement le droit sur la vie de l'homme qui n'appartient qu'à Dieu seul, parce qu'il détruit la sécurité de la société humaine et parce qu'il enlève au prochain la vie, qui est le plus grand bien naturel qu'il ait sur la terre. Y a-t-il des cas où il soit permis de tuer son prochain ? Il est permis de tuer son prochain quand on combat dans une guerre juste, quand, par ordre de l'autorité suprême, on exécute une condamnation à mort, châtiment de quelque crime, et enfin quand on est en cas de nécessaire et légitime défense contre un injuste agresseur. Dieu, dans le cinquième commandement, défend-il aussi de nuire à la vie spirituelle du prochain ? Oui, Dieu, dans le cinquième commandement, défend aussi de nuire à la vie spirituelle du prochain par le scandale. Qu'est-ce que le scandale ? Le scandale est toute parole, tout acte ou toute omission qui est pour les autres une occasion de commettre le péché. Le scandale est-il un péché grave ? Le scandale est un péché grave parce qu'il tend à détruire la plus grande œuvre de Dieu qui est la rédemption, par la perte d'une âme, parce qu'il donne au prochain la mort de l'âme en lui enlevant la vie de la grâce, qui est plus précieuse que la vie du corps, parce qu'il est cause une multitude de péchés. Aussi Dieu menace-t-il des plus sévères châtiments ceux qui donnent le scandale ? Pourquoi dans le cinquième commandement Dieu défend-il de se donner la mort à soi-même ou de se suicider ?